Mesdames, Messieurs, chers amis, vous êtes venus en cette fin d'après-midi et je tiens à vous en remercier de tout cœur. Vous me procurez vraiment un grand plaisir. Je regrette l'absence de mon ami Freddy Raphaël qui s'est excusé et a subi une opération ces jours-ci et Christian Wolff qui est pris par un autre colloque. Mais avant tout, je tiens à remercier deux dames sans lesquelles cette soirée n'aurait pas été organisée, Madame Valérie Muller de la librairie Oberlin et Madame Laura Blasuto de la médiathèque protestante. À vous deux, mesdames, grand merci. Comme j'en suis au remerciement, il faut que j'exprime l'immense dette de reconnaissance que je dois à Monsieur Pierre Christophe, ici présent, qui s'est chargé bénévolement des contacts techniques entre l'éditeur allemand Bautz et moi-même. Si le traitement de texte ne me fait pas peur, Internet, mailles et autres subtilités me dépassent largement, et pour la commercialisation de mon livre, je suis d'une nullité totale. Merci donc à M. Christophe. Enfin, je tiens à remercier le professeur Mathieu Arnold qui a bien voulu écrire la préface pour ce premier volume de la correspondance d'Oberlin. Si maintenant vous attendiez une conférence exhaustive sur la correspondance de Jean-Frédéric Oberlin, je risque de vous décevoir, bien que j'ai déjà traité ce sujet plusieurs fois par le passé. Dans le premier volume qui vient de paraître et qui va de la naissance d'Oberlin de 1700 à 1774, il y a 122 textes, lettres ou textes complémentaires. Mais dans mon ordinateur, j'ai déjà 800 lettres de plus, certaines déjà copiées, d'autres avec leur seule référence. Le deuxième volume à paraître, qui englobera les années 1775 à 1784, années qui sont d'une importance capitale pour l'évolution d'Oberlin, ce volume va du numéro 223 au numéro 262, soit 139 lettres ou textes. Il est pratiquement prêt. L'originalité de l'édition, les textes sont rythmés à travers les années par une chronologie établie par Oberlin lui-même dans son almanach historique et dans ses sources de réflexion, sujets de prière, actions de grâce ou tableaux chronologiques d'événements qui m'intéressent. Les biographes d'Oberlin ont beaucoup insisté sur un texte parce qu'il a dit, il a écrit un jour, « Oubliez mon nom et ne retenez que celui de Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître. » Alors c'est une très belle parole spirituelle et très importante pour un théologien, très bien dite pour un pasteur, mais Oberlin a quand même fait beaucoup de choses pour que son nom ne soit pas oublié. Et on a des nombreux textes autobiographiques qui sont et dans ses lettres, et dans ses textes, et dans ses journaux, qui sont déjà aussi prêts dans mon ordinateur pour la publication. Mais répondons à quelques questions que l'on peut se poser. Quand est-ce que le travail sur la correspondance d'Oberlin a-t-il commencé? Suite à des colloques Oberlin organisés par le pasteur allemand Erich Psola et le professeur français Rodolphe Peter, il a été décidé qu'on se chargerait en France, pour ne pas abandonner tous à nos amis allemands, de la correspondance d'Oberlin. Alors qu'en Allemagne, on travaillait plus sur les prédications et la pédagogie. C'est à l'automne 1965 que le professeur Peter m'associa à ce projet et avec une équipe d'étudiants, nous commencions à copier aux archives municipales les premières lettres. Il s'agissait évidemment de ce qu'on appelle la correspondance active et passive d'Oberlin, c'est-à-dire des lettres qu'il a écrites et de celles qu'il a reçues. Où se trouve cette correspondance? La majeure partie se trouve, heureusement, au musée Oberlin et aux archives municipales de Strasbourg. Mais des lettres d'Oberlin se trouvent à beaucoup d'autres endroits, même en Pologne, et la quête n'est pas terminée. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour en découvrir encore et pour me les signaler. Quelles sont les difficultés qui se présentent à l'exploitation de ces lettres? La correspondance est française et allemande, et donc si on travaille sur cette correspondance, il est judicieux d'être bilingue. D'ailleurs, tous les textes de ce volume, tous les textes français ont un résumé en allemand, et tous les textes allemands un résumé en français, pour que des lecteurs des deux langues ou des deux pays puissent y travailler. Oberlin lui-même a heureusement une écriture assez claire et lisible en gothique allemand, en français aussi, il écrit assez correctement. Il y a un peu des problèmes pour certains brouillons dans ses lettres. Mais les écritures de ses correspondances sont bien diverses et souvent des écritures peu lisibles. Mention spéciale du prédécesseur d'Oberlin, Jean-Georges Stuber, qui écrivait à Oberlin avec des lettres en gothique allemand sans les voyelles. Donc vous avez ici un exemplaire de deux lettres, le début de deux lettres. Il mettait, si le mot commençait par une voyelle, un petit trait. Pour une autre voyelle à l'intérieur du mot, rien du tout. Et pour une diphtongue à l'intérieur d'une lettre, un petit O. Et pour une voyelle à la fin d'une lettre, un petit trait. Donc, vous verrez là, tout à l'heure, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce que ça veut dire. Ça ne pose pas trop de problèmes une fois qu'on a pris l'habitude, et d'autant plus que ces lettres d'Oberlin sont, de ces lettres de Stuber à Oberlin, sont toujours d'un très grand intérêt. Son prédécesseur, dont Oberlin disait d'ailleurs « mon excellent devancier », ces lettres sont donc très très importantes. Il y a un peu des problèmes pour la lecture des noms propres, etc., alors qu'une fois qu'on a pris l'habitude de la lecture, on s'y fait. Mais je pense quand même être un des derniers à m'être attelé à cette tâche. Qui sont les correspondants d'Oberlin? Il y a sa future femme, et lui qui écrit à sa femme quand elle est au zoo à Niederbronn. Il y a, et sa femme d'ailleurs écrivait en allemand gothique, mais avec une orthographe même fantaisiste pour son époque. Donc, il y a ses enfants, il y a sa mère, il y a donc toujours des échanges les uns aux autres. Il y a son frère aîné, Jérémy Jacques, le professeur. Et donc, c'est très curieux. Il y a une correspondance familiale qui a son intérêt. Puis, il y a les lettres de Jean-Georges Stuber, dont je viens de parler. Les lettres des amis et des amies et les amis qui sont également très intéressant parce que il y a une partie de lettres qui sont de la cure d'âme, en particulier et des explications bibliques pour la fille de Stuber qui a correspondu avec Oberlin assez régulièrement à un certain moment. Et puis il y a parmi les amis et les amies et les amis ceux qui lui envoient des choses de Strasbourg. Alors on apprend que Madame Schwartz, une bonne copine de Strasbourg, lui a envoyé des citrons et du cacao, n'est-ce pas? Donc ça, pour une époque aux environs de 1780, c'est tout à fait intéressant si on a le souci de la vie de tous les jours à cette époque-là. Et puis il y a les paroissiens et les maîtres d'école. C'est une curiosité que, étant pasteur dans une paroisse avec plusieurs villages, il y a des lettres de Oberlin à des paroissiens et le retour. Donc, non seulement il parlait aux gens, mais il leur écrivait et il lui écrivait aussi. Il y a en particulier cette curieuse et intéressante correspondance dont on parlera surtout dans l'édition de ces journaux, qui sont les lettres des personnes qui ont rêvé après la mort de Madame Oberlin et qui signalent dans un petit mot, dans une lettre écrite à Oberlin, les rêves qu'ils ont eus de Madame Oberlin, et Oberlin avait son interprétation concernant ses rêves. Et puis il y a les maîtres d'école auxquels ils donnent des consignes pour leur enseignement, il y a de méchantes lettres pour comment ils doivent sanctionner des élèves qui n'ont pas obéi, etc. Donc c'est tout à fait aussi dans cette optique-là. Puis il y a les autorités politiques. Il y a le seigneur du banc de la Roche qui change dans les années 1770. C'est un seigneur protestant qui arrive, Jean de Dietrich, et il y a donc ces échanges entre le seigneur, par la suite les lettres et échanges avec le préfet des Vosges et du Bas-Rhin, parce que évidemment un certain temps, curieusement, les villages étaient séparés, certains étaient rattachés au département des Vosges, d'autres au département du Bas-Rhin, de la paroisse d'Oberlin. Et on peut s'intéresser au fait que Oberlin a très bien navigué à travers les différents régimes politiques, n'est-ce pas ? Il s'est accommodé à peu près de tout, de la Restauration après la Révolution. Il s'est même assez bien débrouillé lors de la Révolution française, tout en étant en captivité pendant quelques jours à Célestat. Et puis il y a les autorités religieuses, d'abord le convent ecclésiastique de Strasbourg, et enfin les responsables mis en place par les articles organiques de 1802. Et si cette correspondance, donc à partir des années 1802, est peut-être un peu un peu sèche à cause du fait que ce soit des échanges simplement entre institutions religieuses, il est intéressant de voir par cette correspondance d'Oberlin comment le système qui est toujours en place à l'heure actuelle avec les accommodements que l'on sait, que ce système s'est mis en place donc avec les articles organiques à partir de 1802. Oberlin était aussi président du consistoire, etc. Et puis il y a quelques prêtres. Le biographe d'Oberlin, Stoebr, écrit qu'il y en a beaucoup. Pour l'instant j'en ai pas encore trouvé trop. Peut-être ces lettres à des prêtres traînent encore ailleurs, on ne sait pas. Ils sont encore à découvrir. De toute façon, je n'ai pas trouvé autant de lettres que Stoebr laissait prévoir. Et puis, il y a les personnalités. Ces correspondances sont plus connues à travers l'Europe, et en particulier en Allemagne et en Suisse. Il y a la correspondance de Johann Caspar Lafater, qui commence le 26 juillet 1774, donc qui est encore dans ce premier volume. Il y a Jung Stilling, le théologien qui opérait aussi les yeux des gens. Là. Il y a l'abbé Henri Grégoire, qui était un des prêtres révolutionnaires, si on veut, et qui était après aussi dans les instances politiques. Et puis il y a, dans les années plus tard, en 1812, le préfet Lezé Marnésia, qui avait pris un peu un coup de cœur pour Oberlin et qui le soutenait fortement. Il y a enfin le pédagogue de Colmar, Caspar Pfeffel, le théologien et pédagogue aveugle, et puis un qui est doublement en même temps dans les autorités religieuses, mais en même temps un correspondant tout à fait intéressant. Il y a Jean-Laurent Blessic, cette personnalité en vue à Strasbourg, qui a donc prononcé à l'église Saint-Thomas le sermon pour l'inauguration du monument du maréchal de Saxe. Et puis, pour terminer, il y a les groupements ou sociétés. La société biblique de Baal et la société chrétienne de Baal, et aussi la société biblique, la société biblique de Londres, la conférence des frères moraves à Herrnhut, et là il y a donc des échanges. Oberlin commande des bibles, il explique dans un courrier comment il les a redistribuées dans sa paroisse, etc. Et donc il y a tout cet effort pour faire connaître la Bible qui est inscrite dans ces correspondances, comme aussi pour la société chrétienne. Leur envoie des petites histoires arrivées, les providentialia, ce que la providence a provoqué de positif, des choses. Il a été averti d'une autre affaire et comment ils ont été gardés dans leur famille et avec ses pensionnaires. Donc une très grande diversité dans cette correspondance, mais cela est intéressant. Oui, donc quel est l'intérêt que présente la publication de la correspondance d'Oberlin? Pour vendredi prochain, j'ai été invité à la pose d'une plaque au musée Oberlin de Waldersbach qui a été reconnue par le ministère de la Culture comme Maison des Illustres, un label décerné au lieu de mémoire majeur de notre pays. Oberlin est une personnalité reconnue par sa pédagogie, par donc ses impulsions pédagogiques. Il est en même temps un symbole du service chrétien, du service avec une racine chrétienne. Par ailleurs, je viens d'apprendre que sur Wikipédia Alsace, le site Oberlin était, après celui de Schweitzer, un des plus visités. Il y a donc toujours un intérêt pour le papa du banc de la Roche. Je pense que la notoriété d'Oberlin et que l'intérêt qui lui est porté doit se baser sur des documents fiables. La démarche de la publication de la correspondance est une nouvelle étape sur cette route. En effet, la publication de la correspondance a d'abord un intérêt pour le renouvellement de la biographie d'Oberlin, dans laquelle histoire et légende sont souvent liées. Par ailleurs, pratiquement toutes les biographies d'Oberlin parues à ce jour étudient sa personne de manière globale, sans faire de distinction entre le jeune et le vieux Oberlin. La correspondance éditée de manière strictement chronologique permettra de saisir cette personnalité aussi dans son évolution à travers les années. Ceci est très neuf, il n'y a à l'heure actuelle aucune biographie d'Oberlin, même pas la dernière parue il y a quelques années et dont les dernières nouvelles font toujours un grand état, qui est cette vision chronologique à travers la vie d'Oberlin. La correspondance d'Oberlin permettra aussi de préciser le regard sur son œuvre et les motivations qui ont été les siennes. Un petit exemple, peu après l'organisation des poils à tricoter, ancêtre des écoles maternelles, Oberlin écrit pour l'année 1770, et je traduis un texte qui paraît dans ce premier volume, « Par cette institution, donc des écoles à tricoter, les poils à tricoter, par cette institution, nous pourrions espérer les avantages suivants, si pourtant notre Dieu bien-aimé y donne sa bénédiction. 1. On ôte les enfants de la rue. 2. On les habitue peu à peu au travail. 3. Ils profitent d'être bien surveillés. 4. On s'occupe tôt de leur âme, si Dieu veut bien susciter à l'avenir des âmes craignant Dieu et acceptant de servir comme conductrices. » Donc il faut bien des conductrices, les premières institutrices ou enseignantes. 5. Par là, les enfants apprennent le français, car il ne faut parler patois qu'en extrême urgence. Ceci est un point particulièrement important. 6. On les rend plus zélés pour fréquenter l'école, car plus on laisse traîner les enfants et moins on peut les décider d'apprendre. 7. Par là, les enfants gagnent quelque chose, et même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas rien. Un gérant fidèle ne méprise rien. 8. Si le tricotage trouvait sa place, de l'argent resterait dans le pays et beaucoup de temps perdu serait utilisé de manière utile. J'ai dans ma paroisse à peu près 200 foyers. Même si on ne compte que 3 paires de bas par foyer et par an, la paire à 40 sols, ce sont annuellement 600 gulden qui sortent de mes 5 villages pour des bas. Comme par ailleurs très peu d'argent ne rentre au pays, à l'époque la filature du coton était encore rare, ce serait un très grand avantage si cette somme pouvait rester au pays. Voilà donc, on apprend exactement ce qu'il en veut avec les écoles à tricoter, les poils à tricoter. La spiritualité et la théologie d'Oberlin apparaîtront également sous une lumière plus précise, d'autant plus que nous prévoyons également, comme je l'ai déjà dit, la publication de ces 4 journaux ou Tagebücher, peu utilisés jusqu'à présent par les biographes et qui dès à présent sont copiés dans mon ordinateur. Mais la publication de la correspondance d'Oberlin a également un intérêt pour l'histoire générale et locale. En effet, elle s'inscrit dans une période de mutation entre l'Ancien Régime, la Révolution française et la Restauration. L'adaptation aux situations nouvelles de la population d'une vallée vosgienne est d'un intérêt certain. Enfin, n'oublions pas l'intérêt sociologique et l'expression de la vie quotidienne qui s'exprime souvent dans la correspondance par de petites notations. Cela est sans doute anecdotique, mais comme je l'ai déjà signalé, l'envoi de cacao et de citron. Il y a aussi des choses tout à fait intéressantes concernant les listes de personnes dont on parle dans la correspondance, et donc il y a des recherches intéressantes pour les généalogistes ou ceux qui recherchent des choses sur leur famille, avec le risque aussi qu'ils tombent sur une référence d'Oberlin qui n'est pas forcément toujours citée, mais il met en écriture cryptée, écriture de Stuber, dans son livre, l'ancien livre des bourgeois, Eine böse Frau, une femme méchante. Alors peut-être si c'est votre arrière-arrière-arrière-grand-mère, ça vous risque de ne pas vous faire plaisir, mais on retrouve comme ça des choses tout à fait intéressantes. En particulier, ce qui est intéressant pour la question sociologique, dans ce premier volume se trouvent les Kettelbriefs, donc les vœux de baptême d'Oberlin, dans la mesure où ils sont connus, il y en a un qui manque, ceux de sa femme et ceux de ses enfants ou de certains de ses enfants, dont quand on les possède. Ils sont intégrés pour justement ce côté sociologique et de vie quotidienne. Pour terminer, je voudrais rendre attentif à quelques perles dans le premier volume de cette correspondance d'Oberlin. Le 29 août 1774, Oberlin, encore précepteur privé à Strasbourg, écrit à la mère d'un de ses élèves. C'est le brouillon de la toute première lettre d'Oberlin que nous ayons trouvée. Le futur grand pédagogue se justifie auprès de cette mère d'avoir donné 7 coups de verge ou de fouet sur le dos de son fils qui était devenu insupportable. Le grand pédagogue commence donc par passer 7 coups sur le dos de son élève. Après l'arrivée de Jean de Dietrich comme seigneur au banc de la Roche, et cela dès la première année, Oberlin fait des propositions à son seigneur, des choses qu'il pense qu'on pourrait réaliser. Une de ses propositions à son supérieur, protestant, constatant qu'il y a bien trop d'enfants illégitimes dans la paroisse, il propose que l'on recherche le père, qui devra verser une certaine somme, et avec cet argent, on expédie la mère et son enfant au pays de Bade. Trouvé affreux. À première vue, il s'agit là d'une proposition effectivement bien cruelle, mais Oberlin a sans doute en tête un règlement royal de 1762 qui stipule, pour l'Alsace en particulier, « Les enfants naturels des sectaires sont affectés cela seul à l'éducation catholique parce qu'appartenant au roi et à l'État et non à leur père et mère. » La proposition d'Oberlin visait donc à ce que cette femme avec son enfant puisse rester protestante. Bien d'autres perles se trouvent dans ce premier volume de la correspondance que je vous laisse découvrir. Et il y en a beaucoup d'autres dans le deuxième volume à paraître. Bonne lecture à vous tous. Peut-être avez-vous maintenant quelques questions. Je suis prêt à y répondre au mieux que je peux. J'ai évidemment aussi des questions. Il y a comme ça des choses que, à la lecture des lettres d'Oberlin, on découvre. Et puis, on se pose des questions sur ce que ça représente réellement quand il ne l'a pas. Jusqu'à présent, par exemple, je n'ai pas trouvé de texte où Oberlin explique exactement ce que c'est pour lui la nouvelle naissance, thème dont il parle, mais il dit même que son prédécesseur, Stuber, n'est pas né de nouveau, donc n'a pas cette nouvelle naissance. Alors j'aimerais bien savoir quels sont les critères d'Oberlin pour détecter cette nouvelle naissance sous quelle forme. Voilà, donc ça c'est une question qui me reste. Et peut-être quand paraîtra le cinquième volume, j'aurai trouvé. Voilà. Merci de votre présence. Alors sans vouloir me vanter, je sais quand même beaucoup plus que ce que je viens de dire, et donc si vous avez des questions, je suis tout à fait prêt à répondre un peu. Oui. Sur la dernière question concernant la nouvelle naissance. Oui. C'est vrai, il en parle, régénéré. Sans dire pourquoi telle ou telle personne c'est est régénérée. Est-ce que il ne reprend pas un terme de Zinzendorf, paraît-il? Oui, d'après certains, c'est même un terme, disons, qui est lié aux déclarations qu'il a faites lui-même comme jeune. Donc en 1760, il a fait une déclaration écrite pour se remettre à Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est un texte qui est paru déjà là-dedans, mais qui paraîtra aussi qui est un texte sorti de son premier journal. Mais il paraît que c'est lié à un théologien anglais, Doddridge. Donc, mais je ne sais pas non plus pour l'instant plus. Donc, je suis moi-même en recherche. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça vient aussi, qu'il y a un rapport avec Spain? Oui. D'autant plus qu'au moment du piétisme, il y avait une discussion sur la question de savoir est-ce qu'on peut perdre la nouvelle naissance. C'est ça, oui. Il parle de ça? Non. Pour la perdre? Par perdre, je n'ai pas encore vu, non. Mais il y a des gens qui l'ont perdu d'après lui. Oui, et il y a des gens, parce qu'un jour, il a commencé à faire une liste des gens régénérés. Et on a donc et puis il a donné des notes différentes à plusieurs auteurs. On est régénérés à un, et puis des adolescents, c'est un peu différent des jeunes et des adultes, etc. Et puis, je crois qu'il y a trois catégories, 1, 2, 3, etc. Mais là, après avoir fait ça un certain temps, il écrit que c'est complètement stupide parce qu'il peut se tromper sur les gens, donc il abandonne cette liste des gens régénérés. Donc, par contre, il demandera à ses paroissiens toujours la liste des gens. On aide les pauvres que quand ils ne tiennent pas de chien, quand les femmes n'ont pas ces traits de cheveux au milieu comme les prostituées, etc. Donc c'est alors d'autres règles de moralité où les subventions pour les aides aux pauvres sont soumises à des réglementations ou à des questions assez précises. Oui. Moi, c'est à propos des poils à tricoter. Est-ce que l'idée est venue d'Aubernin ou de Louise Schaeppler? Ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Alors, c'est Louise Schaeppler était beaucoup plus jeune qu'Aubernin. Oui. Et donc, quand il a commencé, il y avait des conductrices pour les poils à tricoter, mais qui n'étaient pas Louise Schaeppler. Louise Schaeppler est venue à 15 ou 16 ans au foyer d'Oberlin comme servante, et puis elle a aussi été devenue conductrice, et elle a pris une certaine autorité parce qu'elle habitait toujours au presbytère. Et après la mort de la femme de Oberlin, c'est elle qui a tenu le ménage, pour ainsi dire, en cheftaine, parce qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait une servante pour le jardin, une servante pour la cuisine, etc. Donc, c'était dans ce presbytère où il y avait des pensionnaires aussi. Il fallait plusieurs personnes. Il n'y avait pas simplement le pasteur avec ses enfants et sa femme à l'époque, et puis après avec Louise Schaeppler et d'autres. Voilà. Donc, c'est Louise Schaeppler. Et alors, justement, elle a eu son heure de gloire. Après la mort d'Oberlin, elle a reçu le prix Montuillon, qui était un prix donné à des gens qui ont, pour l'éducation, fait quelque chose de spécial. Mais, en fait, c'est, je dirais, une création, ou une employée, ou une suite du travail d'Oberlin. Et d'autres femmes, qui étaient avant elle. Mais elle, disons, c'était la meilleure, c'est pour ça que... Oui, on lui attribue souvent, hein. Oui, oui, oui, oui, on attribue. D'ailleurs, c'est une très grande curiosité aussi pour la correspondance, parce que je trouve quelquefois que les biographes, surtout aussi les biographes récents, manquent d'esprit critique. Alors là, évidemment, en ayant été fait des études de théologie, on apprend l'exégèse, on apprend qu'il faut aussi une certaine critique des textes, n'est-ce pas? Et là, les gens sont quelquefois très peu critiques et acceptent tout. Ainsi, une histoire qui est arrivée à Anne-Catherine Gagnère au presbytère d'Oberlin en 1794, c'est ce qui est arrivé est attribué à Louise Schaeppler. Alors, comme si cette histoire... Alors, on a l'histoire ancienne vrai, et puis on a l'histoire nouvelle attribuée à Louise Schaeppler, parce que bon, ça ne pouvait être qu'elle, n'est-ce pas? Mais là, c'est des choses qu'on peut rectifier par l'édition des textes, et qui se... Comme d'ailleurs, il y a aussi des problèmes de traduction. Beaucoup de biographes ont parlé du piège dans lequel Oberlin est arrivé en venant au banc de la Roche. Parce que ils ont pris une fausse traduction, déjà ancienne, une fausse traduction. Rattennest a été traduit par piège à rat au lieu d'être traduit par nid à rat. Alors évidemment, piège à rat, c'est pas la même chose. Seulement, un jour, quelqu'un avait une fois traduit mal un tel texte, et maintenant on le reprend comme si c'était un piège dans lequel il était en devenant pasteur à Waldersbach. C'est pas du tout le cas. Il était dans son ancien presbytère qui était un rat-nest. Voilà. Oui. Est-ce que la correspondance éclaire d'un jour un peu nouveau les rapports entre Stuber et Oberlin? Je sais que tu as une sympathie grande pour Stuber. Alors, oui. Est-ce que la correspondance remet les choses dans un autre, dans une autre perspective? Ce qui est sûr, c'est que Oberlin, jusqu'à la fin de sa vie, a toujours parlé de son excellent devancier. Et les biographies qui disent « Stuber, il y a eu une cassure, un jour il ne lui écrivait plus, est-ce qu'ils sont... » Bon, ils étaient évidemment théologiquement très divers, et j'ai donc publié cette énorme lettre de Stuber où il lave la tête d'Oberlin en lui expliquant qu'il ne comprend pas du tout un texte biblique, où il prend une traduction française, là où il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné. Alors évidemment, l'interprétation de Oberlin, c'est la vision, il faut, etc. Et sans vision et sans rêve dans un village, il n'y a pas de chrétienté, quoi. Donc, alors Stuber lui dit que ça c'est complètement stupide et que il sait pas utiliser la traduction ni hébraïque ni grecque des mots. Et donc, il met les choses au point. Mais il y a des lettres plus tardives, et en même temps, Stuber a toujours envoyé, bon, malheureusement cette lettre n'est pas datée, mais Oberlin et Stuber ont toujours eu des relations, en ce sens aussi que si Stuber avait été vraiment fâché avec Oberlin, il n'aurait pas permis que sa fille, qui avait 15 ans, commence une correspondance théologique, spirituel avec Oberlin, n'est-ce pas? Et, à l'époque, un père pouvait facilement interdire cela à sa fille. Donc ça, il ne l'a pas fait. Mais on sait par ailleurs, et ça je crois que c'est attesté à plusieurs endroits, Stuber n'aimait pas écrire. Donc s'il écrivait, c'est qu'il pensait que c'était nécessaire. Et une fois qu'après il trouvait que c'était pas nécessaire, ben il n'écrivait pas. Même dans la correspondance de Stuber avec Caspar Laffater, il y a dans cette correspondance un autre correspondant de Laffater qui, ou même Laffater lui-même, qui dit Stuber n'aime pas écrire. Donc c'était une de ces choses-là. J'ai à peu près répondu à ta question. Oui. Il y a quand même dans les lettres là, oui, de Stuber, qui sont publiés là-dedans, oui, une lettre où il est assez sévère avec Oberlin, où il les met en garde contre, en particulier, le classement spirituel de ces gens. Oui. Que ça risque de créer des scissions au sein de la paroisse. Paroisse, oui, oui, oui, oui, non, mais Stuber n'est... Il est assez sévère avec lui, tout en restant dans la conclusion et dans le salutation. Oui. Mais je pense qu'à l'époque, bon, Stuber avait quand même au moins 10 ans de plus, sinon plus, oui, je crois au moins 10 ans de plus que Oberlin, donc il était quand même considéré aussi comme son ancêtre, quoi. Et pour beaucoup de choses, et là malheureusement on n'a pas les documents, peut-être même les poils à tricoter sont plus sous l'influence déjà de Stuber que d'Oberlin. Donc Oberlin a été pour beaucoup de choses dans la vallée, un exécutant des directives impulsées par Stuber à l'époque. Donc là, je vais peut-être trop loin en disant cela, mais c'est un peu mon intime conviction. Ça n'enlève rien à la gloriole d'Oberlin lui-même, puisqu'il a continué à faire ce travail pendant toutes ces années, toute sa vie. Il fallait le faire, et il a organisé l'enseignement, etc. Mais beaucoup d'impulsions de choses viennent déjà de Stuber, qui avait fait, presque un plan quinquennal pour la vallée. Stuber semble avoir plutôt parlé d'école à tricoter, il aurait donc vu un aspect peut-être plus économique avant qu'il soit pédagogique, et le mot du poil, c'est ça. Il me semble qu'il y a quand même de la bouche de l'écriture d'Oberlin. D'Oberlin, oui, oui, oui, oui. Encore d'autres questions? Sinon, je vous remercie beaucoup. Ceux qui vraiment, il y a la librairie à apporter quelques exemplaires, donc si vraiment vous êtes friand de cela, je ne peux que vous le recommander. Dès qu'on aura, par l'éditeur allemand, n'est-ce pas, parce qu'en France j'ai pas trouvé d'éditeur, l'éditeur allemand a fait 100 exemplaires, je toucherai quelque chose quand les 75 premiers sont vendus, n'est-ce pas? Donc voilà. Je trouve dans le bouquin, ça il ne l'a pas dit, Gustave, que l'appareil critique est tout à fait remarquable. Ah oui. Parce que l'index des noms donne un éclairage tout à fait riche, oui, je dirais même surprenant, de l'étendue des connaissances, des relations d'Oberlin. Et ça éclaire drôlement tout le contexte de l'écriture et de la correspondance. Je ne dirais pas que les notes sont plus importantes que le texte d'Oberlin, mais les notes et les index à la fin, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps, mais que j'ai fait avec grand plaisir, et je crois que je n'ai pas besoin d'en avoir honte. Non, les notes sont aussi intéressantes que les lettres. Très bien, merci beaucoup alors.